C'est qui le boss? C'est qui? C'est qui le boss? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mon boss est T.I. qui fait tourner les pétasses. J'rappe pour ma team, j'rappe pour mes potes. De retour dans le ghetto, je risque de te faire mal. J'suis sensationnel, j'nique ta serette. Et tous ces Jimmy qui veulent me stopper, mais ils savent bien qu'ils vont faire tuer. Parti T.I. le boss du ghetto style. Partout où on passe, on est toujours avec du style. Le ghetto style te rend dingue. Chez nous, pas besoin d'une fusil à pour mettre fin à une guerre. Juste nos rimes, mettre fin à ta carrière. Le boss.